Section 7 de Mémoires, lettres et pièces authentiques touchant la vie et la mort de Son Altesse Royale Monseigneur Charles Ferdinand d'Artois, fils de France, duc de Berry, par François-René de Chateaubriand. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Johan. Chapitre 7. Désespoir de Madame la Duchesse de Berry, mort du prince. Monseigneur ne s'était point abusé sur le soulagement apporté à son état par la vertu de cette présence du roi, qui ranime toujours un cœur français. Il sentit approcher une défaillance et dit « C'est ma fin ». Madame la Duchesse de Berry, qui depuis si longtemps faisait violence à sa douleur, la laissa enfin éclater. « Ces sanglots me tuent !» s'écria le prince. « Emmenez-la, mon père !» On entraîna la princesse dans le cabinet voisin. Toutes les dames attachées à sa maison, Madame la Duchesse de Reggio, Madame la Comtesse de Béthisy, Madame la Comtesse d'Hautefort, Madame la Comtesse de Noailles, Madame la Comtesse de Bouillé, Madame la Vicomtesse de Gontaut, l'environnèrent. La princesse fut un peu soulagée par ses larmes. Elle promit de ne plus pleurer et rentra dans l'appartement du prince. Si, dans quelque partie de l'Europe civilisée, on eût demandé à un homme un peu accoutumé aux choses de la vie ce que faisait à cette heure la famille royale de France, il eût répondu sans doute qu'elle était plongée dans le sommeil au fond de ses palais, ou que, surprise par une révolution, elle était entraînée au milieu d'un peuple ému. Non, tout ce peuple dormait sous la garde de son roi, et le roi veillait seul avec sa famille. Après tant de scènes produites par la Révolution, nul n'aurait imaginé d'aller chercher tous les Bourbons réunis au lever de l'aube, dans une salle de spectacle déserte, autour du lit de leur dernier fils assassiné. Heureux l'homme ignoré du monde qui se réveille dans une chaumière, au milieu de ses enfants que ne poursuit point la haine, et dont aucun ne manque aux embrassements paternels. À quel prix faut-il maintenant acheter les couronnes, et qu'est-ce aujourd'hui qu'un empire ? Tout espoir s'évanouissait. Les symptômes les plus alarmants étaient revenus. Le découragement des médecins était visible. La mort arrivait. Le prince demanda à être changé de côté. Les médecins s'y opposèrent. Le prince insista. On l'entendit prononcer à voix basse ces derniers mots. « Vierge sainte, faites-moi miséricorde !» Il ajouta quelques autres paroles qui se sont perdues dans la tombe. Alors, on le tourna sur le côté gauche, selon son désir. Dans un instant, les facultés intellectuelles s'évanouirent. Monsieur parvint à arracher une seconde fois sa fille à l'horreur de ce dernier moment. Hors de la présence de son mari, elle se livra au plus effrayant désespoir. S'adressant à Madame la Vicomtesse de Gontaut, elle s'écriait « Madame, je vous recommande ma fille. Puisque mon mari est mort, je veux mourir. » Tout à coup, échappant aux bras qui la retiennent, elle rentre dans la chambre de deuil, renverse tout sur son passage, arrive au bord de la couche, pousse un cri et se jette échevelée sur le corps de son mari. Monseigneur le duc de Berry venait d'expirer. On présente en vin à la bouche du prince le verre qui couvrait la tabatière du roi. La vapeur de la vie ne parut point sur le verre. Le souffle que l'on cherchait était retourné à Dieu. Tout tombe à genoux, des sanglots et des prières s'élèvent vers le ciel. Le bruit des larmes se communique au dehors, et un murmure de douleur s'étend de proche en proche dans la foule qui environnait l'appartement du prince. À cette clameur succède un morne effroi. Le silence de la mort semble un moment se communiquer à ceux qui environnaient le lit funèbre. Madame la Duchesse de Berry le rompt la première. Elle se lève, se tourne vers le roi et lui dit « « Sire, j'ai une grâce à requérir de votre majesté. Elle ne me la refusera pas. » Le roi écoute. Dans l'égarement de sa douleur, elle ajoute « Je vous demande la permission de retourner en Sicile. Je ne puis plus vivre ici, après la mort de mon mari. » Le roi cherche à la calmer. On la porte dans son carrosse, à moitié évanouie, et on la dépose dans son palais solitaire. Les princes prièrent alors le roi de s'éloigner. « Je ne crains pas le spectacle de la mort, » reprit le monarque. J'ai un dernier devoir à rendre à mon fils. » Appuyé sur le bras de M. Dupuytren, il s'approche du lit, ferme les yeux et la bouche du prince, lui baise la main et se retire, sans proférer une parole. Chacun s'éloigne en silence, comme s'il eût craint de réveiller le fils de France endormi. M. Bougon demeura à la garde du corps. « J'allais trouver à l'Hôtel-Dieu, dit M. Dupuytren, d'autres afflictions et d'autres souffrances. » mais du moins celle-là était dans l'ordre de la nature. Note manuscrite. Lorsque l'on fit l'ouverture du corps, on reconnut que le cœur même avait été blessé. Le prince aurait dû mourir sous le coup, de sorte qu'on peut dire que Dieu le fit vivre pendant quelques heures par un miracle, afin de nous le faire connaître et de donner au monde une des plus belles leçons qu'il ait jamais reçues. Un fils de Saint-Louis, dernier rejeton de la branche aînée de sa famille, échappe aux traverses d'un long exil et revient dans sa patrie. Il commence à goûter le bonheur, il se flatte de se voir renaître, de voir renaître en même temps la monarchie dans les enfants que le ciel lui promet. Tout à coup, il est frappé au milieu de ses espérances, presque dans les bras de sa femme. Il va mourir et il n'est pas plein de jours. Ne pourrait-il accuser le ciel, lui demander pourquoi il le traite avec tant de rigueur ? Ah, qu'il lui eût été pardonnable de se plaindre de sa destinée, car enfin, quel mal nous faisait-il ? Il vivait familièrement au milieu de nous, dans une simplicité parfaite. Il se mêlait à nos plaisirs et soulageait nos douleurs. Il ne nous priait, pour récompense de ses bienfaits, que de le laisser vivre, obscur, en attendant qu'il devînt notre grand roi et notre bon maître. Déjà 6 de ses parents avaient péri. Pourquoi l'égorger encore, le rechercher, lui, innocent, lui, si loin du trône, 27 ans après la mort de Louis XVI ? Connaissons mieux le cœur d'un Bourbon. Ce cœur, tout percé du poignard qu'il était, n'a pu trouver contre nous un seul murmure. Pas un regret de la vie, pas une parole amère ne se sont échappées à l'admirable prince. Époux, fils, père et frère, en proie à toutes les angoisses de l'âme, à toutes les souffrances du corps, il ne cesse de demander la grâce de l'homme qu'il n'appelle pas même son assassin. Le caractère le plus impétueux devient tout à coup le caractère le plus doux. C'est un homme plein de passion, attaché à l'existence par tous les liens du cœur. C'est un prince dans la fleur de l'âge. C'est l'héritier du plus beau royaume de la terre qui expire. Et vous diriez que c'est un infortuné qui ne perd rien ici-bas. Le prodige est partout. L'âme est pour ainsi dire transformée. Et le corps, par la force de l'âme, semble vivre contre les lois de la nature. Depuis 30 ans, les Français se font moissonner sur les champs de bataille. La Providence voulait opposer à ces sacrifices de l'honneur l'héroïsme d'un trépas chrétien. Elle voulait nous montrer, dans l'antique famille de nos rois, ce que c'était que ces anciennes morts des chevaliers dont nous avions perdu la tradition. Chapitre 8. Consternation de la France et de l'Europe. Chapelles ardentes au Louvre et à Saint-Denis. Fatigué de danses et de joies, Paris était plongé dans le sommeil. À mesure que ses habitants se réveillent, ils apprennent la nouvelle fatale. Le peuple fut instruit d'abord, sortit de sa demeure au lever du jour pour recommencer le cercle de ses misères. Le premier malheur qu'il rencontra fut la mort d'un prince, père des pauvres, soutien des infortunés. On ne peut comparer la consternation qui se répandit dans Paris et de là dans toute la France qu'à celle que l'on remarqua le jour de l'assassinat du duc d'Enghien. Avec cette différence qu'à la première époque, la douleur publique était comprimée. Le corps de Monseigneur le duc de Berry, porté chez M. le marquis d'Autichamp, gouverneur du Louvre, fut ensuite transféré dans une chapelle ardente, sous les voûtes de la même salle où le corps de Henri IV avait jadis été déposé. C'était aussi dans cette salle que l'industrie française offrait naguère à l'admiration publique ses chefs-d'œuvre. Et c'est là que la Révolution venait, à son tour, étaler un de ses plus brillants ouvrages. Plusieurs personnes moururent subitement en apprenant l'assassinat de Monseigneur le duc de Berry. Des prêtres tombèrent à l'autel, et jusque dans les pays étrangers, ces morts surnaturelles se renouvelèrent au service funèbre du prince. Les rois pleurèrent sur leur trône et se crurent eux-mêmes frappés. De grandes princesses, connues pour leur bienfaisance inépuisable, exprimèrent des regrets que l'histoire consacrera. Dans Paris, l'affliction du peuple ne se calmait pas. Il racontait 1000 traits de la bonté de Monseigneur. Il adressait au ciel des vœux pour lui. Une pauvre femme mit en gage sa robe, afin de faire dire une messe pour le repos de l'âme du fils des rois. La foule ne cessait d'assiéger le Louvre, de prier, de jeter de l'eau bénite sur le cercueil. De se plaindre qu'on eût sitôt recouvert le visage du prince. Elle aurait surtout voulu voir la blessure. L'assassin seul la regarda sans émotion. Lorsqu'on le confronta au reste sanglant de sa victime, il ne fit aucune réponse, ni par les yeux, ni par la bouche, au cadavre qu'il interrogeait. L'athée, sachant qu'il allait mourir, espérait dormir en paix avec son crime. Le néant est quelque chose à celui pour qui Dieu n'est rien. La dépouille mortelle de l'héritier de nos monarques étant portée à Saint-Denis, les classes du peuple les plus pauvres, des hommes et des femmes, dans les lambeaux de la misère, se mêlèrent au cortège. La confrérie des charbonniers marchait au milieu des officiers et des soldats, ce qui mérita à ces représentants de la douleur populaire l'honneur d'une place marquée aux funérailles. Dans les villages où passa le convoi, les chemins avaient été balayés, les murs des chaumières tapissés de ce que les habitants possédaient de plus précieux. Tout le temps que dura la chapelle ardente à Saint-Denis, on vit accourir des députés des villes et des hameaux voisins pour rendre hommage au fils de France décédé. L'église était incessamment remplie de paysans et de gens du peuple. Des enfants y vinrent avec leurs maîtres. On y vit même de grands criminels. Autour de ce cercueil, l'innocence pleurait comme le repentir. Toutes les provinces du royaume exprimèrent leurs regrets dans des adresses. Il n'y avait rien de prévu, rien de préparé, rien de concerté dans ce deuil général. C'était la France entière qui gémissait. Chapitre 9. Douleur de la famille royale et de Madame la Duchesse de Berry. Si la consternation était grande au dehors, elle était encore plus grande dans le palais. En perdant Monseigneur le Duc de Berry, la famille royale perdait toute sa joie. Il animait ses parents par sa vivacité, ses mots heureux, son goût pour le plaisir. Le Louvre paraissait désert depuis que le prince avait disparu. Ces grands foyers paternels redemandaient en vain le dernier né de leurs enfants et pleuraient la solitude de leur avenir. Monseigneur le duc d'Angoulême regrettait amèrement un frère, le compagnon de son enfance et de ses malheurs, l'ami des bons et des mauvais jours de sa vie. Madame, dominant toutes les douleurs, soutenait à la fois son mari et son père. On ne pouvait regarder monsieur, le meilleur des hommes, le plus affectueux des princes, sans avoir l'âme déchirée. Ses yeux roulaient de grosses larmes qu'il voulait en vain retenir. Le poids du chagrin paternel, ajouté à tant d'autres chagrins, courbait sa tête, et cette dernière adversité achevait de blanchir ses cheveux. Quant au roi, perdant l'appui de son trône, il avait vu se dessécher le rameau qui, après les murmures des tribus, nombre, chapitre 17, promettait de refleurir devant l'arche sainte. Et dans la maison de Monseigneur le duc de Berry, quel deuil parmi les anciens amis du prince, ses aides-de-camp, ses serviteurs. Un d'entre eux manquait à cette scène, chargé d'annoncer le malheur de la famille royale sur des bords lointains. Il n'aura eu besoin que de laisser éclater sa propre douleur pour exprimer celle de la France. L'illustre veuve du nouveau Germanicus était inconsolable. Elle commença par couper ses cheveux. Ses cheveux, disait-elle, que son mari aimait. Elle les remit à Madame de Gontaut en lui disant « Prenez-les, un jour vous les donnerez à ma fille. Elle apprendra que sa mère coupa ses cheveux le jour où son père fut assassiné. » Nourrie sous le soleil de la Grande Grèce, parmi les filles de Sicile, notre jeune princesse avait rapporté de ses climats les antiques usages de la douleur, qui ne furent point inconnus à sa race. Un des plus grands princes de la maison de Bourbon, Louis III, duc de Bourbon, arrière-fils de Robert, fils de Saint-Louis, prêt à mourir, coupa ses cheveux. Alors, dit son vieil historien, réquiste le duc que ses cheveux fussent ôtés, quand il les tint, il parla en cette manière. « Dieu Jésus-Christ, mon Père Créateur, est-ce délice de cette vie mortelle, je me suis plus ébattu en mes cheveux. Je ne veux mis qu'ils me suivent. » La demeure où Madame la Duchesse de Berry avait été si heureuse avec son mari lui devint insupportable. On conduisit la princesse à cette maison royale trop fameuse par cette nuit funeste où un cri de mort retentit comme un coup de tonnerre, maison qui, depuis Madame Henriette, n'avait pas vu si subite et si grande adversité. Tout Paris s'empressa d'aller porter à Madame la Duchesse de Berry d'inutiles hommages. Peu de jours après, elle s'établit aux Tuileries sous la protection de la douleur paternelle. Si cette princesse a éprouvé une de ces adversités qui tombent sur les têtes élevées, son malheur est aussi celui de ceux qui se font sentir à l'humanité entière, Toutes les mères, toutes les épouses ont été frappées du coup qu'il a frappé. Lorsque Madame la Duchesse de Berry ou Mademoiselle doivent sortir, le peuple se rassemble devant les passages des Tuileries. Il y vient plusieurs heures d'avance. Il oublie la triste nécessité où il est de gagner son pain quotidien. Aussitôt qu'il aperçoit ou la mère ou la fille, il se prend à pousser des cris de joie et à pleurer. Les femmes, tenant leurs enfants dans leurs bras, leur montrent comme une sœur la petite orpheline, toute vêtue de blanc, dans une grande voiture de deuil. Quand Madame la Duchesse de Berry se promène sur la terrasse des Tuileries, sa robe de veuve produit le même effet que sa robe sanglante dans la nuit fatale. Mais chaque jour, la foule remarque que ses voiles funèbres cachent moins les espérances de la patrie, et elle s'en retourne, consolée. Ceux qui ont vu Buonaparte dans toute sa puissance sortir de son palais après les plus grandes victoires, sans qu'il s'élevât une seule voix sur son passage, ceux-là reconnaissent qu'il y a quelque chose de plus fort que l'usurpation et la fortune. C'est la légitimité et le malheur. Chapitre 10. Funérailles de Monseigneur le duc de Berry. Les entrailles du prince sont portées à Lille. Son cœur sera déposé à Rosny. Les obsèques du prince eurent lieu à Saint-Denis. Il n'y avait pas encore 2 mois que l'on avait vu ce prince, plein de vie, assis le 21 janvier, en face du catafalque de Louis XVI. On le cherchait en vain sur le banc, auprès de Monseigneur le duc d'Angoulême, son frère, et on ne le trouvait que sous ce même catafalque, devant lequel ce frère pleurait. Les yeux se portaient avec attendrissement sur la famille royale, déjà si peu nombreuse et encore diminuée. Sur le roi, qui semblait méditer au milieu des ruines de la monarchie. Sur Madame, enveloppée dans un long crêpe, comme dans sa parure accoutumée. Sur Monseigneur le duc d'Angoulême, chargé de mener le deuil, et qui, saluant tour à tour et l'autel et le cercueil, semblait demander au premier la force de regarder le second. On eût dit que ces paroles de l'évangile du jour avaient été particulièrement choisies pour lui. Domine, si fuesses hic. Frater meus non fuisset mortus. Monseigneur le duc d'Orléans et Monseigneur le duc de Bourbon menaient aussi le deuil, avec Monseigneur le duc d'Angoulême. Monsieur le coadjuteur de Paris prononça une oraison funèbre remarquable dans ce vieux sanctuaire de nos chartes et de notre religion, qui entendit déjà tant d'oraisons funèbres. La première de toutes fut celle de Du Guesclin, faite en 1493. Par l'évêque d'Auxerre. Un poète gothique nous a transmis l'histoire de cette cérémonie. Ce qu'il dit si naïvement du bon connétable et du discours du prélat s'applique de la manière la plus touchante à Monseigneur le duc de Berry. Tous les princes fondaient en larmes. Aux mots que l'évêque montrait, car il disait « Pleurez, gendarmes, Bertrand, qui très tant vous aimait, on doit regretter l'effet d'armes qu'il fit au temps qu'il vivait. » Dieu ait pitié sur toutes âmes, de la sienne, car bonne était. Les honneurs qui avaient fui Monseigneur le duc de Berry pendant sa vie l'accablèrent après sa mort. La basilique de Saint-Denis, tendue de noir dans la longueur de la voûte, ressemblait à un vaste tombeau. Des cordons de lumière se dessinaient sur les draperies funèbres, des lampadaires, des candélabres d'argent, des colonnes qui semblaient porter jusqu'au ciel, comme dit Bossuet, le magnifique témoignage de notre néant. Une large croix de feu dans le sanctuaire, tout enfin surpassait l'idée qu'on avait pu se faire de cette pompe. Un clergé nombreux, la cour, l'armée, les ambassadeurs étrangers, les 2 chambres, les tribunaux de justice remplissaient le chœur, la nef, les chapelles et les galeries. On chantait. On agitait les cloches, on tirait le canon autour d'un cercueil muet. Il y avait tant de grandeur dans cette pompe qu'on aurait cru assister aux funérailles de la monarchie. Et que de sentiments divers dans cette foule ! La Révolution avait convoqué et rassemblé en présence de son dernier crime, comme pour la juger, les générations que 30 années avaient produites. Tout ce qui avait triomphé ou souffert se rencontrait en ce moment à Saint-Denis. Et cette église de l'apôtre de la France, que ne disait-elle pas elle-même ? Elle étalait extérieurement les richesses de la mort, mais on avait arraché de ses entrailles ses trésors funèbres. La messe, oui, on ôta le cercueil du catafalque pour le descendre dans le caveau. Alors l'héroïne du temple fut vaincue pour la première fois. À la vue du cercueil, elle se sentit prête à défaillir et fut obligée de se retirer de la tribune où elle était placée à la droite du roi. Le roi lui-même, à genoux, laissa tomber sa tête vénérable sur ses deux mains jointes. La France entière sembla courber sa tête avec lui. Il paraissait rouler dans son esprit les pensées qui se présentèrent à son aïeul Henri IV, lorsque celui-ci assistait dans la même église de Saint-Denis au couronnement de la reine. « Savez-vous, dit le vainqueur d'Ivry à son confesseur, ce que je pensais tout à l'heure en voyant cette grande assemblée ? Je pensais au jugement dernier et au compte que nous y devons rendre à Dieu. » Vie du père Coton par le père d'Orléans. Les gardes de monsieur portaient le corps de son fils. Leurs casques rapprochés formaient une espèce de voûte mouvante au-dessus du cercueil. Monseigneur le duc d'Angoulême descendit le premier dans le souterrain où il allait laisser son frère. Ensuite, selon l'antique usage, les héros d'armes appelèrent les serviteurs du prince. Du Tillet, recueil des rois de France. Celui qui est dedans la fosse appelle l'un après l'autre les 10 écuyers qui apportent les éperons, gantelets, escus, cottes d'armes. Lors le dit héros, estant dans la dite voûte, crie par 3 fois « Le prince est mort, et que l'on prie Dieu pour son âme !» Les entrailles du prince ont été portées à Lille, comme pour accomplir les paroles d'Henri IV, rappelées aux Lillois par Monseigneur le duc de Berry lui-même. « Désormais, avait dit le Béarnais aux habitants de Lille, entre nous, c'est à la vie, à la mort !» Le cœur de son Altesse royale fut d'abord déposé à Saint-Denis par M. de Bombelle, évêque d'Amiens, premier aumônier de Mme la Duchesse de Berry. Ce prélat, avant de recevoir les ordres sacrés, combattit auprès du prince. Depuis longtemps, il connaissait le trésor qu'il était chargé de présenter aux gardiens de la sépulture royale. Il avait plus de droit qu'un autre de leur dire « Le cœur que vous avez devant les yeux fut le plus noble et le plus généreux qui exista jamais. » Madame la Duchesse de Berry a depuis réclamé ce cœur comme son bien. Une lettre de M. le duc de Lévis nous fait connaître les dispositions de la princesse. La douleur de Madame la Duchesse de Berry est profonde, mais calme. Sa résignation, soutenue par la piété et la force de son caractère, n'est plus troublée par ce qui lui rappelle de cruels souvenirs. J'ai eu dernièrement la bien triste commission de lui demander où elle voulait que fût déposé le cœur du prince. Voici sa réponse. Mes intentions sont arrêtées. Je vais faire construire à Rosny un bâtiment composé d'un pavillon et de 2 ailes. Dans l'une, on soignera des malades. Dans l'autre, on élèvera de pauvres enfants. Le milieu sera une chapelle où l'on priera pour mon mari. Ce que le prince chérissait davantage, c'était en effet les enfants et les pauvres. On ne pouvait mieux placer son cœur qu'entre 2 monuments consacrés à ce qu'il aimait. C'est encore une heureuse circonstance qui fait d'un château de Sully le sanctuaire où reposera le cœur du petit-fils de Henri IV. Chapitre 11. Portrait du prince. Conclusion. Ici finit l'histoire de la vie et de la mort de Charles Ferdinand d'Artois, fils de France, duc de Berry. Il ne nous reste plus rien à dire de ce prince, si ce n'est quelque chose de sa personne. Il avait la tête grosse, comme le chef des Capets, la chevelure mêlée, le front ouvert, le visage coloré, les yeux bleus et à fleur de tête, les lèvres épaisses et vermeilles. Son cou était court, ses épaules un peu élevées, ainsi que dans toutes les grandes races militaires. Sa poitrine, où son cœur battait sans défiance et sans peur, offrait une large place au poignard. Monseigneur le duc de Berry était de taille moyenne, de même que Louis XIV. Car c'est une erreur de croire que Louis XIV était d'une haute stature. Une cuirasse qui nous reste de lui et les exhumations de Saint-Denis n'ont laissé sur ce point aucun doute. Le prince, dont nous venons d'écrire la vie, avait la mine brave, l'air de visage franc et spirituel. Sa démarche était vive, son geste prompt, son regard assuré, intelligent et bon, son sourire charmant. Il s'exprimait avec élégance dans le commun discours, avec clarté dans les affaires, avec éloquence dans les passions. On retrouvait dans le duc de Berry le prince, le soldat, l'homme qui avait souffert, et l'on se sentait entraîné vers lui par une certaine bonne grâce mêlée de brusquerie, attachée à toute sa personne. Quant à son caractère, il se trouve peint par ses actions à chaque page de cet écrit. Monseigneur le duc de Berry avait passé une vie noble, mais oubliée. Il ne lui a fallu que quelques heures, à la fin de sa dernière journée, pour acquérir une gloire que sans triomphe ne lui aurait pas obtenue. Récompensé à la fois sur la terre et dans le ciel de ses vertus humaines et de ses vertus chrétiennes, le même moment lui a donné l'immortalité et l'éternité. Tirons au moins de notre malheur une leçon utile, et qu'elle soit comme la morale de cet écrit. Il s'élève derrière nous une génération impatiente de tous les jougs, ennemie de tous les rois, elle rêve la République, et est incapable par ses mœurs des vertus républicaines. Elle s'avance, elle nous presse, elle nous pousse, bientôt elle va prendre notre place. Bonaparte l'aurait pu dompter en l'écrasant, en l'envoyant mourir sur les champs de bataille, en présentant à son ardeur le fantôme de la gloire, afin de l'empêcher de poursuivre celui de la liberté. Mais nous, nous n'avons que deux choses à opposer aux folies de cette jeunesse. La légitimité escortée de tous ses souvenirs, environnée de la majesté des siècles. La monarchie représentative assise sur les bases de la grande propriété, défendue par une vigoureuse aristocratie, fortifiée de toutes les puissances morales et religieuses. Quiconque ne voit pas cette vérité ne voit rien et court à l'abîme. Hors de cette vérité, tout est théorie, chimère, illusion. C'est donc qui ne se sentirait pas attaché à la famille royale par tous les sentiments de respect, d'admiration et d'amour, ils doivent au moins tenir par leur intérêt personnel. Verser le sang d'un Bourbon, c'est ouvrir les veines de la patrie. Dans l'état actuel des choses, la légitimité est la vie même de la France. Imaginez, calculez. Combinez toutes les sortes de gouvernements illégitimes. En dernier résultat, vous ne trouverez rien de possible, rien qui vous présente une apparence de durée, une existence tolérable de quelques années ou même de quelques mois. Les Bourbons retirés, le droit disparaît. Alors s'ouvre l'immense carrière des faits qui tous ont un égal droit à vous opprimer. La légitimité est en Europe le sanctuaire où repose la souveraineté, par qui seuls les gouvernements subsistent. Violez ce sanctuaire et la souveraineté n'est plus qu'une divinité sans asile, exposée au milieu des ruines, aux outrages de toutes les ambitions. Aucune usurpation ne se pourrait accomplir sans faire naître en France la guerre civile, sans fournir un prétexte aux entreprises européennes, sans exposer notre pays aux ravages et aux contentions de la politique étrangère. La nation prétendrait-elle se gouverner elle-même? Elle l'a déjà essayé. Une nouvelle démocratie amènerait un nouveau bouleversement de propriété, la destruction de tous les intérêts nouveaux, puisque les anciens sont anéantis. Ah, que ceux qui se sont laissés entraîner à des exagérations populaires se repentiraient alors! Triomphant le premier jour, le second, ils seraient conduits à l'échafaud, la tête encore ornée des couronnes de leur victoire. Serait-ce une élection militaire que l'on prétendrait mettre à la place de l'hérédité légitime? Elle eut aussi lieu à Rome, cette élection. L'armée, nommant son maître, et ne le recevant plus des lois, méprisa bientôt son ouvrage. Les barbares, introduits peu à peu dans les légions, s'accoutumèrent eux-mêmes à faire des empereurs, et quand ils furent là de donner le monde, ils le gardèrent. Si tous les hommes de probité et de talent se veulent enfin réunir dans un système monarchique, non seulement ils épargneront à la France de nouveaux malheurs, mais ils sauveront l'Europe que menace une grande révolution. En examinant le fond des principes, on s'aperçoit que ce qui nous divise réellement est peu de chose. On cherche moins pour se combattre à agir sur la raison que sur les passions. Tantôt c'est la féodalité, détruite depuis deux siècles, dont on veut faire peur au peuple. Tantôt ce sont les missionnaires qui vont établir la guerre en prêchant la paix. Aujourd'hui c'est une puissance occulte qui combat la puissance visible. Triste invention, en vertu de laquelle on se croirait autorisé à traiter la légitimité de la douleur comme on a traité la légitimité politique. Mais non, il existe réellement une puissance occulte qui répare les horreurs de l'incapacité, comme elle déjoue les complots du crime. Depuis 30 ans, ce gouvernement secret a marché auprès de tous les gouvernements publics qui se sont succédés dans notre malheureuse patrie. Placés au-dessus de nous, dans des régions inaccessibles, nos passions peuvent s'en plaindre, mais elles ne le peuvent renverser. cette puissance occulte, c'est l'éternelle raison des choses. C'est cette justice du ciel qui rentre dans les affaires humaines à mesure qu'on s'efforce de l'en bannir. C'est en un mot la providence, qui n'aurait besoin que de se retirer un moment pour détruire l'ordre de l'univers et replonger le monde dans le chaos. Si la mort de Monseigneur le duc de Berry devait nous laisser tels que nous sommes, si elle ne nous enseignait rien sur l'excellence du sang de nos rois, sur le danger des doctrines qui ont produit le crime de Louvel, alors que l'on confie à notre piété les cendres de notre illustre prince, nous irons déposer sur quelques rives lointaines ce germe de la légitimité. La vertu attachée à ces cendres formera bientôt une société des Français qui les auront suivis, et ils échapperont à l'arrêt que le ciel prononce enfin contre les peuples sans jugement et rebelles à l'expérience. Fin. Addition. La lettre suivante nous est arrivée trop tard pour être insérée dans le corps de l'ouvrage. Elle est si belle que nous ne balançons pas à la donner ici par supplément. Elle se rapporte aux expéditions projetées, dont il est question au chapitre 5 du livre 3 de la première partie des Mémoires. Lettre de Son Altesse Royale, Monseigneur le Duc de Berry, au comte de la Ferronnays. Hartwell, 1809. J'ai reçu hier matin ta lettre d'avant-hier, mon cher Auguste. Je te remercie de tes bons conseils. Je trouve dans tout ce que tu me dis assez de sagesse et de raison, et ce que j'aime encore mieux, j'y trouve une preuve de plus de ton attachement pour moi. Mais mon ami, tes réflexions sont trop tardives et sont inutiles. Tout ce que tu me dis, je me le suis déjà dit à moi-même. Je n'ai jamais partagé ta confiance dans le succès de notre expédition. Je crois fermement que nous marchons à la mort, et c'est ce qui fait que je ne veux pas m'arrêter. Tu sais trop, mon cher Auguste, les absurdités qui ont été débitées sur notre compte. Tu sais combien on nous reproche de n'avoir pas combattu avec la Vendée, de n'avoir pas mêlé notre sang à celui des royalistes. Il faut faire taire la calomnie, et tu es trop mon ami pour me conseiller le contraire. Tu connais mes opinions sur les guerres civiles et ceux qui les fomentent. Je me croirais traître au roi, traître à la France, et le plus coupable des hommes, si, pour ma propre gloire ou pour mon intérêt personnel, je cherchais à la rallumer et à ramener sur cette fidèle Vendée les malheurs qui déjà furent le prix de son dévouement à notre cause. Mais puisque l'on nous assure que, lassés d'être opprimés, les royalistes se décident d'eux-mêmes à reprendre les armes, puisqu'ils nous le font dire et qu'ils demandent un prince, rien ne m'empêchera d'aller les rejoindre. Je combattrai à leur tête, je mourrai au milieu d'eux, et mon sang versé au champ d'honneur, abreuvant le sol de la patrie, rappellera du moins à la France qu'il existe des Bourbons, et qu'ils sont encore dignes d'elle. Mon vieux Nantouillet et toi, mon ami, vous partagerez mon sort. Je ne vous plains pas, tu seras enterré à mes côtés. C'est un moyen très bon pour couvrir ce que tu appelles ta responsabilité. Quant à ta proposition d'aller avant moi sonder le terrain et vérifier les faits, elle n'a pas le sens commun. Et tu me connais assez pour être bien sûr que je ne consentirai jamais à ce que mon ami s'expose pour moi à un danger que je ne partagerai pas avec lui. Adieu. Je serai à Londres après-demain à 5 heures. J'irai passer la soirée chez ta belle-mère. Nous causerons de tout cela. Embrasse ta femme et tes 2 enfants. Je te quitte pour aller à la chasse. Fin de la section 7. Fin de Mémoires, lettres et pièces authentiques touchant la vie et la mort de Son Altesse Royale Monseigneur Charles Ferdinand d'Artois, fils de France, duc de Berry, par François René de Chateaubriand.